Radiomatique. c'est sur la musique du projet grec Mictec que s'ouvrait cette transmission 481 d'Audiomatique. De l'album Hereafter, nous avons entendu la pièce Parenthesis, le Ozora Live Edit réalisé en collaboration avec le projet français Aesdana. Et maintenant, c'est au tour du groupe canadien Destroyer d'assurer la continuité à Audiomatique. You make a plea for me to come to my senses, just like the time before, the time before that. Visit the symphony and I smell the right world. Midnight meets the rain. Midnight meets the rain. Midnight meets the rain. You've been standing on deep water. Cups with rum and raise a toast to the and raise a toast to the world of scum around us closing in. The light. I suffered a terrible fright last night and I got no interest in getting dressed today to go outside and play a game you know so well. Before's the time before that I visit the symphony. I smell the rat well. Midnight meets the rain. Midnight meets the rain. Midnight meets the rain. You've been standing on deep waters. Midnight meets the rain. Midnight meets the rain. Standing on deep water. Nous avions droit à Audiomatic, à la formation montréalaise Esmerine, de son septième et plus récent album Everything Was Forever Until It Was No More, paru en 2022. Nous vous avons présenté la pièce Entropy, qui se subdivise en trois parties, soit Incantation, Radiance et The Wild Sea. Et pour débuter, il s'agissait du groupe canadien Destroyer, de qui nous entendions la chanson Midnight Meet the Rain, de son dixième album Poison Season, lancé en 2015. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de la défunte formation italienne Neon. We'll be right back. Audiomatique, nous venons d'entendre le groupe Los Mirlos et la pièce Sonido Amazonico qu'on peut notamment retrouver sur l'anthologie Cumbia Amazonica publiée en 2014 par l'étiquette de disque Faraway Sounds. Los Mirlos est un groupe péruvien qui a fait son succès durant les années 70 et 80 en majorité. Avant Los Mirlos, c'était la formation Grupo Cremolada de qui nous jouait en fait la pièce Amazonas, une composition se retrouvant sur la compilation Viva el Sabado, Hits de Disco Pop Peruano, publiée récemment par l'étiquette Boo Records. Cette compilation retrace des pièces du mouvement disco pop péruvien enregistrées par différents groupes entre 1978 et 1989. Et on amorçait cette séquence musicale avec le groupe Neon et sa pièce My Blues Is You, qu'on peut notamment retrouver sur la compilation Italia New Wave Minimal Synth No Wave and Post-Punk Sounds from the 80s Italian Underground. La pièce apparaît également sur le premier album de Neon, paru en 1985 et qui s'intitule Rituals. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le duo montréalais El Cian. C'était à Audiomatic, la formation danoise Efterklang, de son deuxième album Parades, sorti en 2007. Nous entendions la chanson Polygene. Précédemment à Efterklang, et ce qui amorçait par le fait même ce bloc musical, c'était le duo montréalais Elsian, de son troisième album Death of the Artist. Nous vous avons offert la chanson Nobody Will Escape. C'est sur la musique du projet Vinteriquette que se conclura cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons écouter, intitulée Aura Eins, se retrouve sur l'album Kalte Schnee und Eis, Récapitulation der Winterzeit. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h. Pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatique, C-F-O-U, si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors pour terminer, voici Vinteriquette et sa composition Aura Eins. C'était Audiomatique avec les sonoristes. Schwache Strahlen des Tageslichts.